Le monde est crasseux, gouverné par des pouilleux. L'argent sale à sa place, des poux qui se tapent pour une place. Comme les drogués pour une trace, chaque chose à sa place. Ricus vide au CNM, le trio de tête. On rêve d'un avenir meilleur pour la planète, où tout serait payé honnêteté. Dans les banlieues où les cités, c'est pas un récit que t'es en train d'écouter. Un syndicat, partout dans le monde c'est délicat. De la misère qui règne en Afrique jusqu'au racisme et d'Inamérica. Un monde meilleur, sans peur, sans frayeur. Un monde sans guerre, sans manque de repères, sans verser de sang. Un monde meilleur pour mon 8-900. Je kifferais et faire pousser mes racines, mais là-bas, béton se calcine. Pas par la chaleur qui étouffe, juste la puissance d'un molotov. Un monde meilleur où on sait tous égaux face à notre ego. Un monde sans égoïsme, sans racisme, sans antisémitisme. Juste un peu de bonheur, car dans le fond, on y a tous droit. Un monde meilleur qu'on puisse comprendre, car celui-là, je comprends pas. Parfois, je comprends pas non plus pourquoi certains s'entêtent à se prendre la tête, sans se soucier du mal qui est fait. On vit dans un beau monde, mais mal fait. L'être humain est loin d'être parfait, surtout quand l'argent vient à l'étouffer. R-I-C-E-U-S, un monde meilleur pour tous les gars de ma tête. Un monde meilleur pour ma princesse. Un monde meilleur pour tous ceux à qui je pense sans cesse. Un monde meilleur, j'en rêve depuis mes premiers pas sur terre. C'est net, j'achève ce texte en sortant un avenir meilleur pour la planète. On rêve tous d'un monde meilleur pour la planète, mais je me demande si les gens n'en ont pas peur. Le manque de gens rares nous fait tous déprimer, comme ce jeune qui réfléchit tard le soir et se dit fini le dealage de barrettes. Je rêve d'un monde meilleur pour la planète, fini les complots à deux balles. À chaque fois ça se finit sous une rafale de balles. Il pense à tous ces mensonges qui peu à peu le rongent. Sa daronne le croit élève à l'université pour la France et l'égalité, mais lui jour le jour il vit dans l'inégalité. C'est pas ce qu'il avait souhaité. Il rêve d'un monde meilleur pour la planète. Le rap lui permet de sortir de tout sa rancœur. Ça l'éloigne aussi un peu de son côté braqueur. VYDO, Rikus, CNM, les rappeurs de SNDIK, des rimes pour un monde meilleur. On rêve d'un avenir meilleur pour la planète. Que chacun dise tout ce qu'il pense tout bas dans sa tête. Une pensée pour mon poteau, le bap tout dans sa tête. Un monde meilleur que des Rikus, Koutou, Vido et R-I-C-E-U-S.